14-28, observation. Forme verbale, présent de l'indicatif, personne du singulier et du pluriel. Rappelez-vous la conjugaison du verbe travailler. Je travaille, tu travailles, il travaille. Nous travaillons, vous travaillez. Notez que du point de vue de la prononciation, il y a une seule forme pour les trois personnes du singulier et la troisième personne du pluriel. La première et la deuxième personne du pluriel sont constituées par la forme commune ci-dessus, plus le son « on » pour la première personne du pluriel, et le son « et » pour la deuxième personne du pluriel. Si vous connaissez une de ces formes, vous pouvez prédire les cinq autres. Cela est vrai d'un très grand nombre de verbes. La majorité des verbes en ER et quelques autres.